L'attitude essentielle que nous croyons qui sera adoptée par la conférence des chefs d'État africains, réunis à Addis Abeba, est une attitude politique, naturellement, très radicale contre le gouvernement de Lisbonne. Les arguments ne manquent pas pour prouver que le gouvernement portugais tourne le dos à toutes les résolutions de l'organisation internationale et qui est engagé dans une guerre de génocide contre le peuple angolais. Dans ces circonstances, les chefs d'État africains qui connaissent très bien le problème, qui ont été saisis de cette question à plusieurs reprises par les mouvements nationalistes, vont être à même de pouvoir harmoniser cette attitude radicale contre le gouvernement portugais. Cela veut dire de rompre les relations diplomatiques, consulaires et commerciales que certains ont encore avec ce gouvernement portugais. Je pense que les pays africains indépendants, pour la première fois, pourront mettre l'Occident devant un choix. Ou c'est Salazar, ou c'est l'Afrique. On ne peut pas, à l'heure actuelle, se vanter d'être ami de l'Afrique et être en même temps aux côtés d'un gouvernement de Lisbonne comme celui du gouvernement fasciste de Salazar. Amilcar Cabral.